Skyrock, Rise Supreme. C'est DJ Case, DJ Case. Et c'est tous les dimanches soirs avec DJ Case. Yes. Bienvenue, bonsoir Case, comment bonsoir va? Bonsoir tout le monde, ça va? En pleine forme? Toujours. Prêt à décoller juste après pour Perpignan, t'as une soirée juste après, ça, on va Perpignan en parler. On va en parler dans quelques minutes, on fera un point là d'ici un petit quart d'heure sur les soirées de Case. C'est ça. Mais bah c'est... là juste tout à l'heure, je suis au Purple Discothèque à Perpignan. Mais voilà, soyez prêts, amis de Perpignan, il débarque pour vous au Purple Discothèque. Mais juste avant, il est dans toute la France avec une sélection de mix, des nouveautés, des exclus. D'ailleurs ce soir on va démarrer avec une grosse exclu du projet Paris en New York qui sort cet été. Et c'est Hassan Lala Sultana. Donc c'est total exclu. C'est ton projet à toi. C'est ça, Paris en New York qui sort cet été. Et ça c'est un gros son rail. Bon, on a pu découvrir déjà, il y a un morceau de Jul, il y a un morceau avec Rimka. On les mettra tout à l'heure aussi. On mettra tout à l'heure. Et donc là, grosse exclu, on débute avec. Allez. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Case au platine. Tous les dimanches. Une heure de son 100% rail avec DJ K sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Skyrock. Tes genoux nés comme ce mec qui rote en cagoule pour fumer. Oh les man, j'suis avec ma team sur panache.

DJ Case sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Et c'est DJ Case ouais. Chaque dimanche soir avec Case. Avec un gros quart d'heure, gros on voit les messages défiler ouais. Avec Hassan Lala Sultana. Et okay. On s'est mis aussi le Rimka, Jules, Diesel, Jnoune. Voilà, pour voilà. Le début de cette émission, mais c'est loin d'être fini, hein, ça continue. Bon, là, c'est les préliminaires. Et faisons un petit point dans ces préliminaires avec les soirées. Alors, vous donnez beaucoup de plaisir. Ce soir, moi, juste voilà. Après, je suis à Perpignan au Purple Discothèque. On vous y attend nombreux. En plus, c'est une veille de jour férié. Donc, ça va être chaud bouillant. Vendredi 13. Ah moi, ça me fait rien, en fait, je m'en fous. Moi, je Vendredi 13, je suis au Havre, au Riyad. Le 14, je suis à la Joya à Paris. J'ai d'autres dates. Le 19, c'est au Monseigneur Club à Paris. Jeudi 19, le vendredi 20, au Club Monseigneur 21. Monseigneur Club, ouais. Alors, Monseigneur Club, c'est anciennement un club que tu connais qui s'appelait le Hammam Club. Ah oui, exact. Oui, rue de, vers Place Clichy. Rue d'Amsterdam. Rue d'Amsterdam, ah bah oui. Et maintenant, ça s'appelle Monseigneur Club. Ah, ça s'appelle Monseigneur Club. Ouais, ça a changé. D'accord. Bon, bah, ça change parfois. Et pour info, c'était la première discothèque que j'avais faite de toute ma vie. Le Hammam? Ouais, en 2001. Ah, mais l'endroit est beau, en plus. En 2001. Avant, c'était galère pour mixer en discothèque et c'était le seul club à mes débuts qui m'avait pris. Qui t'avait accueilli voilà. Bras ouverts. Bras ouverts. Et on est en 2014 aujourd'hui, donc on est obligé de... Même direction, en tout cas bravo à eux. Ouais, bravo, oui, bravo. Et le samedi 21, donc c'est ma dernière date avant le parce qu'il y a le Ramadan qui arrive, ouais, le 28 juin, et je suis off pendant le Ramadan. Ça permet de rester en famille et d'écouter Rail Suprême quand même. Tu mixes en famille la nuit. C'est ça. Voilà. Tranquille. Mais ça n'empêche pas de. On aura des émissions Rail Suprême. Ouais, il y aura des émissions tous les dimanches. Évidemment. On fêtera d'ailleurs la période de jeûne. La rupture de jeûne avec les émissions Rail Suprême le dimanche soir. Exactement. Alors, donc le samedi 21, c'est à l'Entracte à Toulouse. Voilà. Et là, on continue et avec ben, une grosse nouveauté de Shep Khalas. C'est Ahlet. C'est Shep Khalas, un gros artiste qu'on joue aussi ses titres et c'est un nouveau titre. Donc là, avant l'été, il y a plein de nouveautés, des exclus. Allez, coup d'envoi. Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. Universal, qualité le son, prison de Khalas, Belkassem, Moukhouya, Bibi, le maestro. Ami Turki, Moukhouya, je suis le Bahira. Yalla! Yeah. Skyrock. Well, Comme chaque dimanche soir, DJ Kaze au contrôle de Rai Suprême. Kaze, juste avant d'aller à Perpignan au Purple Club, on a entamé le deuxième quart d'heure, un gros quart d'heure. On a terminé avec une exclue de Nabil et El Matador. Ça s'appelle Délit Faciès. Et on s'est fait une grosse session Stifey avec Cheprala. C'est l'ONB. Et voilà. Ouais, et on a débuté aussi avec un gros morceau. Un gros morceau de Cheprala, c'est Alette, Alette. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est sorti, c'est tout frais, tout neuf. Et on fait péter tout ça pour les beaux jours. Et bah, terrible. Et là, on est reparti pour une nouvelle session. Pareil, avec un gros titre de Paris en New York. L'album qui sort cet été. Et là, c'est Aymen et Rami Lapage, Cheba. Gros rebeu. Pardon. Je suis tellement chaud et tellement pressé d'écouter le morceau. Allez, c'est parti. Rai Suprême. Avec DJ K sur Skyrock. Je vois, J'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas finir penser. Je ne jure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba. Genre tête Sao Paulo. Mais mon pote Charumba. Parce que t'es une choroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta faute. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein. Mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le corps d'un philippin, pas un euro je vais sortir. Au pire il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de Sopala. Et je suis à Punta Cana. Ok. On y va. Oh,

Donc faites péter. Et bah faites péter avec DJ Case ce soir encore pendant 15 minutes sur l'antenne de Skyrock avant d'aller à Perpignan, ouais. Du côté de Perpignan et le retrouver ce soir en direct en soirée à au Purple Discothèque dans le 06 à Perpignan. Ouais, on est reparti pour une dernière session. Ouais, je suis courageux, non? Bah, l'émission juste après la soirée. T'es trop fort. Ce que je te dise, le dimanche t'appartient. C'est toi qui me donnes cette force. Ouais, je sais, je sais. Allez. Allez, c'est parti. حسن توفي دوين النوم دوقت نس حنا ثاديا كي ذروم ثروة غسل الثل وذا قلوم أما سلام مدد يمد ومشوم حسن توفي دوين النوم دوقت نس حنا ثاديا كي ذروم ثروة غسل الثل وذا قلوم يا لا لا دا يا لا لا يا لا لا لقيت فور طالو في ريسيتي يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يوال السرد مور طالو في ريسيتي يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لمست لقيت فور طالو في ريسيتي يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يوال السرد مور طالو في ريسيتي Bonsoir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Zama, zama, confie de mon monde. Rail Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Sous-titrage Société Radio-Canada. Shukran. Shukran. Shukran, merci. C'est ce qu'on appelle finir en beauté. Voilà, Case, finir en beauté pour mieux redémarrer dans quelques minutes à Perpignan. Ouais, Perpignan, Purple. Je vais pour tous les gens qui ont la chance d'être à Perpignan, vous allez découvrir en vrai, en live, en chair et en os. Et comme certains disent, en chair et en saucisse, comme notre ami Seth Gekko le dit. Ouais. Vous retrouverez DJ Case là dans quelques minutes du côté de Perpignan. Alors, ce soir, ouais, justement, je suis au Purple Discothèque à Perpignan. Le jeudi 19 au Monseigneur Club, ex-Hammam Club à Paris. Le vendredi 20 à Reims, au Club 21. Et, l'entracte à Toulouse pour le samedi 21. Bon, voilà, loupez pas la tournée DJ Case qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Un peu sur partout. Facebook, sur la page fan DJ Espace K-A-Y-Z, sur Twitter, Instagram, DJ Case Paris. Et bientôt, nouvel album qui sort cet été, Paris en New York. C'est du costaud, c'est du lourd. Et pour avoir toute l'actu de Paris en New York, en car, dès la semaine prochaine. Dimanche prochain. Eh ouais, on balance. Au compte-gouttes. Au compte-gouttes, ouais. Voilà. Merci Case. Merci Fred. Bah, éclate-toi bien, fais bien danser les gens à Perpignan. C'est ce que je vais faire. Bah, je sais, j'en doute pas un seul instant. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Et passez une bonne soirée tout le monde sur Skyrock. Rap R&B non-stop, c'est reparti. Ciao.